La violence remplit la terre, les cœurs s'égarent loin de toi. Chaque pensée glisse vers l'ombre et l'innocence ne se voit plus ici-bas. Tu regardes l'homme et tu souffres. Ton cœur est blessé par l'abandon. Mais au milieu de cette génération, une grâce se lève dans un seul nom. Même quand le monde s'éteint, tu gardes une lueur vive. Noé trouve grâce à tes yeux. Quand tout s'effondre autour, sauve la vie au milieu des eaux. Tu protèges l'espoir pour les journaux. Et trouve grâce à tes yeux et la justice commence à nouveau. Car même dans la nuit la plus profonde, tu fais germer ton renouveau. Tu annonces le déluge à venir, non comme une vengeance aveugle, mais comme une purification dure pour sauver ce qui reste viable. Tu demandes une arche, une obéissance, un travail long sous les moqueries, et déjà le salut se prépare.